un mardi matin, je me lève et je vais prendre mon train. C'est pour aller au boulot, je suis lambda comme un parisien. Je monte dans un wagon et je me sens dévisagé. Je lève la tête vers elle et là je suis resté figé. Elle est étrange cette sensation où tu ne sais pas quoi faire. Alors tu tournes la tête, quel est ce truc qui est par terre? Tu retentes le petit coup d'œil mais pas la peine, ses yeux sont là. Et leur verre est si prenant que quand la porte s'ouvre tu t'en vas. J'aimerais savoir pourquoi elle m'a troublé, la fille du métro. Et pourquoi je pense à elle alors que je ne la reverrai pas de sitôt. La prochaine fois que je la vois, promis, j'irai lui dire quelques mots. Il n'y aura que deux outils pour le finish, ce sera la perle ou le râteau. C'était un jeudi genre 19h et j'étais sur mon quai. C'était deux minutes plus tard que mon train devait se pointer. Moi je zioutais tous les gens et qui sait que je vois arriver. La fille avec son regard, une chance à ne pas laisser passer. Elle est montée dans un train qui partait 5 minutes plus tard. Et le pire c'est qu'il s'arrêtait aussi dans ma gare. Puis le mien est arrivé, je suis monté comme un tétard. Et quand j'ai regardé en face au travers de la vitre son regard, j'aimerais savoir pourquoi elle m'a troublé, la fille du métro. Et pourquoi je pense à elle alors que je ne la reverrai pas de sitôt. La prochaine fois que je la vois, promis, j'irai lui dire quelques mots. Il n'y aura que deux outils pour le finir, ce sera la perle ou le râteau. La la la la.